Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 78. De la forme du sacrement de l'Eucharistie. Parole qui constitue la forme de ce sacrement. Convenance de cette forme pour la consécration du pain. Convenance de cette forme pour la consécration du vin. Vertu de ces paroles, leur vérité, rapport de ces deux formes. 1. Les paroles, ceci est mon corps et ceci est le calice de mon sang, sont-elles la forme du sacrement de l'Eucharistie? La consécration, dit très bien saint Ambroise, se fait par les paroles du Christ. Le prêtre, en récitant les autres oraisons, loue le Seigneur, prie pour le peuple, pour les rois et pour d'autres personnes, mais, arrivé au moment solennel, ne parlant plus en son nom, il se sert des paroles même de Jésus-Christ. Le sacrement de l'Eucharistie s'accomplit dans la consécration de sa matière, et non dans l'usage de la matière consacrée. De plus, la consécration eucharistique consiste dans un changement miraculeux que Dieu seul peut opérer, et non dans une bénédiction instrumentellement transmissible. Cette double différence de l'Eucharistie avec les autres sacrements fait que sa forme diffère, sous un double rapport, de la forme des autres sacrements, car, laissant de côté l'usage de la matière, elle doit en signifier seulement la consécration, c'est-à-dire la transsubstantiation, qui s'opère à ces mots, « ceci est mon corps » ou « ceci est le calice de mon sang ». Et, afin que nous comprenions bien que le ministre ne produit d'autre acte que l'articulation des paroles, cette forme doit être prononcée au nom de Jésus-Christ, comme s'il parlait lui-même. On en voit dès lors la justesse. Note que si la forme de l'Eucharistie consiste dans ces paroles, « ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang », plutôt que dans ces autres mots, « prenez et mangez », qui furent également prononcés par notre Seigneur, c'est que, à la différence des autres sacrements qui s'opèrent dans l'usage de la matière consacrée, comme on le voit par le baptême, la confirmation, l'ordre, etc., l'Eucharistie s'accomplit dans la transsubstantiation elle-même. C'est pourquoi les paroles, prenez et mangez, qui désignent une chose non nécessaire au sacrement de l'Eucharistie, à savoir l'usage de la matière consacrée, n'appartiennent pas à la substance de sa forme. Bien qu'elle puisse servir à exprimer la perfection seconde et totale de ce sacrement. Fin de la note. 2. Les paroles, ceci est mon corps, sont-elles la forme convenable de la consécration du pain? Jésus-Christ lui-même a employé cette forme, donc elle est convenable, puisque la consécration consiste dans le changement du pain au corps de Jésus-Christ, sa forme doit exprimer ce changement, non comme s'accomplissant, mais comme accompli, et cela pour deux raisons. D'abord, ce changement est instantané, or, dans les changements de cette nature, le devenir n'est autre chose que le devenu. Ensuite, la forme d'un sacrement doit signifier l'effet qui fixe tout spécialement notre attention, et telle est la forme indiquée. Le pronom démonstratif ceci, tout en exprimant le point de départ, indique aussi les accidents sensibles qui restent. Le substantif corps, marquant le temps d'arrivée, exprime la nature de ce en quoi s'est fait le changement, à savoir le corps entier du Christ, et non pas seulement sa chair. Ainsi ces paroles, « ceci est mon corps », sont la forme la plus convenable pour la consécration du pain. 3. Ces paroles, « ceci est le calice de mon sang », du Nouveau et Éternel Testament, Mystère de foi, qui sera répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés, sont-elles la forme convenable de la consécration du vin ? L'Église, instruite par les apôtres, emploie cette forme, donc elle est convenable. De savoir si toutes les paroles qui y sont contenues sont de la substance de la forme sacramentelle, c'est une question qui divise les savants. Les uns disent que la substance de la forme sacramentelle n'embrasse que ces paroles, « Ceci est le calice de mon sang ». D'autres disent avec plus de raison que toute la formule citée, du commencement à la fin, appartient à la substance de la forme, jusqu'à ces mots, « Toutes les fois que vous ferez ceci, faites-le en mémoire de moi ». Le prêtre, en effet, la prononce de la même manière et dans la même cérémonie, en tenant le calice entre ses mains. Les premières paroles, « Ceci est le calice de mon sang », expriment la conversion du vin au sang du Christ de la même manière que celle de la consécration du pain. Les mots qui suivent, « Du Nouveau et Éternel Testament », etc., nous marquent la vertu du sang répandu dans la passion s'étend à l'héritage éternel, que Dieu a résolu de donner aux hommes en vertu du sang de Jésus-Christ. L'expression « mystère de foi » rappelle que le sang du Sauveur est sur l'autel d'une manière cachée, et visible seulement pour les yeux de la foi. La fin de la formule se rapporte à l'anéantissement du péché. Quoique les évangélistes ne se soient pas proposés de rapporter les formes sacramentelles, toutes les paroles qui composent celles-ci se trouvent dans leurs écrits, à l'exception des mots, éternel et mystère de foi, que l'Église a reçu de la tradition des apôtres. Note. On remarquera que saint Thomas se sert de cette expression, la substance de la forme, qui n'équivaut pas, selon nous, à l'essence de la forme. Sylvius observe que la substance comprend plus de choses que l'essence. Dans les articles précédents, saint Thomas n'a cité comme essentiel à la forme du sacrement que ses paroles, « Ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang ». Toute la formule qui nous occupe n'en est pas moins de la substance de la forme, en ce sens qu'elle est de précepte. Fin de la note. 4. Y a-t-il dans les formes eucharistiques une vertu créée qui produise la consécration ? Les formes de tous les sacrements ont une vertu créée pour produire leur effet. À plus forte raison, le sacrement de l'Eucharistie, plus auguste que les autres, doit-il renfermer aussi dans les paroles de sa forme une vertu créée qui opère la consécration, vertu instrumentale, toutefois, comme celle des autres sacrements ? Elle est dans les paroles sacramentelles elles-mêmes qui, prononcées en la personne du Christ, ont, par son ordre, la même efficacité que ses autres paroles et ses autres actions. 5. Les paroles de la consécration sont-elles vraies ? Ces paroles, « Ceci est mon corps », sont vraies, pourvu que l'on prenne le sens de la phrase au dernier instant où s'articulent les mots. Le Seigneur ne dit point « Ce pain est mon corps », il ne dit pas non plus « Mon corps est mon corps », il dit en général « Ceci est mon corps », désignant, par la particule « ceci », une substance dont il ne détermine point la nature, substance qui était d'abord du pain, et qui est ensuite son propre corps. 6. Les paroles de la consécration du pain obtiennent-elles leur effet avant que celles de la consécration du vin soient prononcées ? Les deux formes eucharistiques, celle de la consécration du pain et celle de la consécration du vin, ne s'attendent pas pour produire leur effet. Les paroles de la consécration du pain ont leur efficacité avant que celles de la consécration du vin soient prononcées. Autrement la proposition, Ceci est mon corps, qui est au présent, serait fausse, et l'Église, qui adore l'hostie sainte immédiatement après ces paroles, commettrait une idolâtrie. Note. Le corps de Jésus-Christ, direz-vous, peut-il commencer d'être dans le sacrement sans son sang? Cette objection avait trompé quelques anciens docteurs, qui ne comprenaient pas qu'après la consécration du pain, le corps de Jésus-Christ est dans l'hostie par la force des paroles sacramentelles, et son sang en vertu de la concomitance réelle, que, de même, après la consécration du vin, le sang du Sauveur est dans le calice par la force des paroles sacramentelles, et son corps, en vertu de la concomitance réelle, qu'ainsi Jésus-Christ est tout entier sous les deux espèces. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.